Alors bonjour, je suis Nicolas Gizin de l'Université de Genève, professeur et directeur du groupe de physique appliquée. On est ici dans les laboratoires au chemin de Pinchat, un peu à l'extérieur de Genève, mais toujours dans l'Université de Genève. La cryptographie quantique, alors il y a déjà deux mots, il y a cryptographie et quantique, il y a déjà deux mots pour rêver là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Alors peut-être pour essayer de mettre tout ça dans le contexte, la cryptographie d'abord, donc ça c'est la science du secret. Et on a tous besoin de secrets, que ce soit nos mots de passe pour nos cartes de crédit ou pour toutes sortes d'autres applications. Et si on imagine des hôpitaux, par exemple, qui ont évidemment accès à nos dossiers médicaux, à ceux de nos enfants, on aimerait que ça reste confidentiel et que ça reste confidentiel pendant très longtemps. Et pour rester confidentiel pendant très longtemps, il faut évidemment que les informations soient d'une part codées, mais il faut qu'elles soient codées de façon qui résiste au temps. Et ça, c'est très difficile parce qu'il faudrait savoir quels seront les progrès technologiques qui vont avoir lieu demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Évidemment, on ne peut pas prévoir vraiment ces progrès. Et c'est là où intervient la deuxième partie, le quantique, la cryptographie quantique. Donc la cryptographie d'aujourd'hui, celle qu'on utilise lorsqu'on va faire des achats sur Internet, mais aussi celle que les banques, les industries, les hôpitaux utilisent, est basée sur quelque chose qu'on appelle la complexité mathématique. C'est-à-dire qu'on va prendre un problème qui est très difficile, et l'exemple typique, c'est de prendre un très grand nombre et de demander par quel nombre, ce grand nombre est divisible. Et c'est un problème qui est très difficile. Évidemment, si c'est un nombre pair, on va tout de suite voir qu'il est divisible par 2, mais si on prend un nombre plus complexe, on va avoir de la peine à trouver un diviseur. Et comment est-ce qu'on sait que c'est un problème difficile ? Ben, on prend les meilleurs mathématiciens du monde, on les met ensemble et on leur promet une belle récompense s'ils trouvent la solution. Et si même les meilleurs mathématiciens du monde ne trouvent pas la solution, c'est que le problème est difficile. Voilà, mais difficile ne veut pas dire impossible. Donc peut-être que dans 10 ans, peut-être demain, peut-être jamais, mais il est tout à fait possible qu'un jour quelqu'un trouve un algorithme, une procédure qui permet de répondre à cette question de façon efficace. Et donc utiliser simplement la complexité mathématique pour coder une information qui doit rester confidentielle pendant des décennies, ce n'est pas une bonne idée. En fait, c'est même sûr que ce n'est pas une bonne idée. Alors, la cryptographie quantique, elle base sa robustesse non pas sur la complexité de problèmes mathématiques, mais sur la physique quantique. Bon, on en arrive à cette physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est une physique qui s'applique au monde réel, au monde qui nous entoure, mais à une échelle très petite, c'est-à-dire qu'elle s'occupe essentiellement d'atomes, et d'électrons, de particules comme ça, ainsi que de photons. Les photons sont, si vous voulez, des espèces d'atomes de lumière, ou des particules de lumière. Alors, on n'a pas tellement l'impression que la lumière, c'est plein de particules, mais en fait, c'est ce qu'on voit. La seule chose qu'on voit, d'ailleurs, ce sont des photons. Donc, il y a ces photons et ces particules élémentaires qui obéissent à des lois, mais qui ne sont pas les lois de Newton, qui ne sont pas les lois habituelles, sont des lois très contre-intuitives, très surprenantes, bizarres, que je qualifierais aussi de très fascinantes. Et une des caractéristiques de ces particules, ou de cette physique quantique, c'est qu'il est impossible de copier ou de reproduire l'état d'une particule élémentaire, l'état par exemple d'un photon. Si j'ai un seul photon qui a une certaine polarisation, pour utiliser un terme comme ça, c'est-à-dire dans le champ électrique aussi, dans un certain plan, un plan inconnu, ben, j'ai aucune manière de déterminer quel est ce plan, parce que dès que je regarde ce photon, je le perturbe. Alors, ça a l'air pas très intéressant, puisque c'est une règle négative, on dit simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais ça signifie que l'adversaire, l'espion en cryptographie, est également limité par ces lois de la nature, par cette impossibilité de copier ou de reproduire l'état d'un photon. Alors, le principe de la cryptographie quantique, maintenant, il est relativement simple. On va non pas envoyer de l'information de façon claire, on va coder cette information dans des photons individuels qu'on va envoyer d'Alice à Bob, ça c'est la terminologie standard en cryptographie, de A à B si vous voulez, A pour Alice et B pour Bob. Et un espion qui voudrait essayer d'intercepter cette information ne pourra pas le faire parce qu'il va nécessairement perturber la transmission et donc Alice et Bob vont s'en rendre compte. Alors, ça, c'est la moitié de l'idée de la cryptographie quantique. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas encore tout à fait génial parce qu'on ne peut pas empêcher vraiment l'adversaire d'intercepter. Simplement, on va se rendre compte qu'il est intercepté. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser encore une petite idée supplémentaire qui consiste non pas à envoyer directement l'information, codée donc photon par photon, mais envoyer la clé de cryptographie, la clé de codage. Alors la clé de codage va être envoyée, ensuite on va vérifier, Alice et Bob vont vérifier sur un petit échantillon représentatif qu'il n'y a pas eu d'espion sur la ligne, et à ce moment-là ils pourront immédiatement utiliser cette clé de codage qu'ils sauront être parfaitement sûrs, et envoyer maintenant le message codé, et en continu, changer de clé, donc il y aura le système quantique tournera en continu, et les clés produites seront utilisées en temps réel, et évidemment après détruites, de telle sorte que personne puisse les copier par la suite. Imaginons qu'on a réussi à fabriquer un photon individuel. Comment est-ce qu'on va faire pour coder de l'information là-dedans ? Alors, une possibilité, c'est de faire passer ce photon par ce qu'on appelle un interféromètre. Un interféromètre, il faut imaginer que ça commence par un miroir semi-transparent, donc ça va séparer ce photon selon deux chemins, et déjà là c'est compliqué parce que si le photon était simplement comme une petite boule de billard, ben il passerait des fois à gauche et des fois à droite. Quantiquement, c'est différent, le photon emprunte tous les chemins possibles. Donc le photon, il va emprunter et le chemin de gauche et le chemin de droite. Alors ça, c'est comme si le photon se doublait, mais en fait, il n'y a toujours qu'un seul photon. Donc il faut imaginer, c'est difficile, un photon qui est à deux endroits à la fois. On commence à toucher à ce qu'on appelle la non-localité quantique. Les objets quantiques peuvent se trouver à plusieurs endroits à la fois. Voilà, ensuite, donc, une fois que ces chemins sont séparés, on va retarder une partie du photon, c'est-à-dire avoir un chemin qui est plus long que l'autre, et puis recombiner de nouveau ces deux photons sur un deuxième miroir semi-transparent. Et donc, on aura notre photon qui aura passé à travers là, cet ensemble des deux miroirs semi-transparents avec le chemin court et le chemin long, appelons-les comme ça. Et le photon a donc emprunté les deux chemins, ce qui fait qu'il se retrouve après cet interféromètre à deux endroits ou à deux temps. Il se trouve et en avance, il a pris le chemin court, et en arrière, et retardé si vous voulez. Mais il est vraiment de nouveau aux deux endroits ou aux deux temps. Si vous voulez, ce photon, on pourrait dire qu'il est, les physiciens disent, en superposition de deux endroits. Et ensuite, l'information, on va la mettre dans quelque chose qu'on appelle la phase de ces deux endroits du photon. Un photon, il faut aussi voir, c'est une onde, et une onde, ça oscille, et dans cette oscillation, il y a une phase, on peut légèrement retarder une oscillation, disons de moins d'une longueur d'onde, à ce moment, elle est légèrement déphasée. Et alors, on va pouvoir s'arranger pour que la phase du photon retardé soit en phase avec la première, ou légèrement retardée, ou légèrement avancée, etc. Donc, on va pouvoir ici coder de l'information. Ça a l'air alors extrêmement fragile. Alors, les photons sont fragiles, mais la phase relative, comme on l'appelle, cette phase entre le photon avancé et le photon retardé, ça c'est quelque chose qui est en fait très robuste dans une fibre optique. Parce que la distance entre les deux photons, ça va être, mettons, 10 mètres, quelque chose de cet ordre de grandeur. Donc 10 mètres à la vitesse de la lumière, ça va nous faire des milliardièmes de seconde. Et pendant un temps aussi court que de milliardièmes de seconde, la fibre optique, elle est complètement immobile, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de changement de température, il n'y a pas de changement de stress, quoi que ce soit. Donc les deux parties du photon voient exactement la même fibre optique. Et donc la phase relative est extrêmement stable. Ce qui permet vraiment d'envoyer là, ces deux morceaux de photons. C'est très difficile de trouver la bonne terminologie. Hein. Les physiciens vous diront, c'est un photon, encore une fois, en superposition de deux états. Alors on peut dire, voilà, le photon en superposition de ces deux états. On va pouvoir l'envoyer comme ça sur des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres. Et à la fin, il va falloir la lire, cette information. Et pour ça, on va utiliser à nouveau un interféromètre en tout point semblable au premier, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveau un premier séparateur, un miroir semi-transparent, et puis un chemin court, un chemin long, un deuxième miroir semi-transparent. Et on va regarder, s'intéresser au cas où la partie qui est passée par le chemin court du premier interféromètre passe par le chemin long du deuxième interféromètre, et à la partie où c'est le chemin long qui a été emprunté dans le premier interféromètre et le chemin court dans le deuxième interféromètre. Mais on voit que le résultat devrait être indépendant, puisque j'ai deux interféromètres identiques et les deux chemins du photon sont emprunté une fois le long et une fois le court, dans un ordre ou dans l'autre ordre. Et donc, ils devraient arriver exactement en même temps. Et c'est bien ce qu'ils font. Mais comme il y a deux chemins possibles, donc long-court ou court-long, on va avoir un phénomène d'interférence qui va révéler cette phase que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir lire cette phase à l'arrivée. Voilà, ça c'est le principe très général. Maintenant, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, ça existe. Alors, ça existe dans nos laboratoires. En fait, il y a aujourd'hui, probablement dans pratiquement tous les pays du monde, un laboratoire qui fait de la cryptographie quantique, parce qu'on voit bien l'intérêt potentiel. Et à Genève, on a commencé un peu avant les autres. Je pense qu'on est toujours dans le peloton de tête. Et en particulier, il y a 10 ans, on a créé une spin-off, une petite société, qui est donc maintenant une société respectable. 10 ans, c'est un âge respectable pour une start-up, c'est-à-dire plus une start-up, puisque, encore une fois, elle a 10 ans. Et cette société commercialise donc depuis 10 ans des systèmes de cryptographie quantique et aussi quelques autres produits. Et les clients, c'est qui? Alors, pendant longtemps, les clients étaient surtout des laboratoires de recherche. Puis ensuite, c'est devenu des entreprises, des industries qui voulaient surtout tester le système, ils avaient de la peine à y croire qu'une bande de physiciens puisse sortir un produit concurrent au système de cryptographie classique. Et depuis maintenant quelques années, il y a des vrais clients, si vous voulez, vraiment le client commercial standard qui utilise la cryptographie quantique 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et depuis, en fait, maintenant quelques mois, il existe même un lien entre Genève et Lausanne avec une fibre optique passant sous le lac de Genève et qui permet à une institution genevoise d'avoir un système de backup à Lausanne. En Suisse, il y a une loi qui dit qu'il faut que les systèmes de backup doivent être à plus de 50 km. Et donc, il fallait avoir une manière de pouvoir transférer toute l'information de cette entreprise sur une distance 50 km. C'est pas évident avec des photons individuels. Et de faire ça évidemment en temps réel et avec une garantie de confidentialité aussi élevée que possible, et encore une fois une garantie sur la confidentialité dans le temps. Si vous intéressez à acheter un tel système, vous n'avez rien besoin d'avoir compris à tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, sauf peut-être le principe de base que la sécurité est assurée par les lois de la nature et non pas par la complexité mathématique. Et les lois de la nature, ça ne change pas. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, les lois de la nature n'auront pas changé. Les pommes tombent aujourd'hui exactement comme elles tombaient à l'époque de Newton et les photons conduiront dans des siècles, même des millénaires, exactement comme ils se conduisent aujourd'hui. Dans ce sens-là, on a effectivement cette sécurité sur le long terme, sur le très long terme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour le reste, tout ce que j'ai raconté avec mes interféromètres, etc., ou même les photons, il n'y a pas besoin d'avoir compris ça. Simplement, je trouve que c'est quand même fascinant et intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous achetez si vous achetez un système de cryptographie quantique? Vous achetez des choses qui ressemblent parfaitement à des ordinateurs. Ça, c'est à peu près la même, le même format. En fait, c'est des racks aux dimensions standards. Il y a d'ailleurs un ordinateur dedans, puisqu'il faut bien quelqu'un qui a un ordinateur qui contrôle toute cette électronique et cette optique, et puis surtout un ordinateur aussi qui fournit ensuite ces clés et qui vont être utilisées par en fait un autre ordinateur qui vont encrypter l'information qu'on veut envoyer de façon confidentielle. Encrypter d'un côté et décrypter de l'autre côté, bien sûr. Donc ce que vous achetez pour vous, c'est deux boîtes standards, et puis il y aura évidemment une prise de 120 volts d'un côté, et un accès pour une fibre optique de l'autre côté. Vous allez pouvoir connecter une fibre optique avec des connecteurs prévus pour les fibres optiques tout à fait standards. Et les fibres optiques aussi, pas mentionné, mais c'est assez clair, ça doit être des fibres optiques tout à fait standards, c'est les mêmes fibres optiques que vous utilisez pour surfer sur Internet, pour regarder la télévision, etc. Alors la distance maximale des systèmes d'aujourd'hui est limitée par le fait que ces photons, qu'on envoie donc de A à B, à travers des fibres optiques télécom, ces photons ils finissent quand même par se perdre. Alors, tant qu'on n'en perd que quelques-uns, ça nous donnera une clé de cryptage un peu plus courte. Ça, c'est pas très grave, il suffit d'envoyer plus de photons. Mais il y a un certain moment où on va en perdre tellement de ces photons qu'on n'arrive plus à faire une clé suffisante. En plus, les détecteurs de photons ont eux-mêmes un certain bruit, et dès qu'on arrive à ce que le nombre de photons qui arrivent est similaire au bruit naturel des détecteurs, on va plus pouvoir extraire une clé secrète. Alors, le système commercial d'idées quantiques, il est limité à environ 80 km. Ça dépend de la qualité de la fibre optique, plus que d'ailleurs de la distance. Maintenant, au niveau de l'université, on détient le record mondial. On a distribué des clés avec des fibres optiques, à vrai dire spéciales, de la maison américaine Corning, sur 250 km. Et en utilisant des fibres installées, des fibres standards, la distance maximale est de 150 km. Donc la première réaction de cette communauté de cryptographes classiques, ça a été surtout de l'arrogance, enfin un mélange d'arrogance et d'ignorance. Ça n'a pas entièrement passé. Même s'ils commencent tout de même à réaliser qu'on est sérieux, qu'on existe vraiment, qu'on leur prend des parts de marché, et ça évidemment ils n'aiment pas, mais au moins à ce moment-là ils nous prennent un peu plus, un peu moins de haut si vous voulez. Il y a toujours quand même des arguments qui ressortent régulièrement, à savoir qu'on survendrait notre cryptographie quantique. Et qu'on minimiserait les désavantages de la cryptographie quantique. Alors, je dirais sur les désavantages, on vient déjà de le mentionner, c'est la distance, c'est certainement le désavantage et la limite principale aujourd'hui. Pour le reste, je ne crois pas que nous survendons tellement la cryptographie quantique, parce qu'encore une fois, si j'avais des informations dont j'aimerais être sûr qu'elles restent confidentielles pendant encore plusieurs décennies, je ne ferai pas confiance à un système type RSA, donc clé publique, parce que je sais qu'on ne peut pas me garantir cette confidentialité sur des décennies. Il faut bien comprendre que si aujourd'hui on enregistre ce qui se passe, le trafic sur Internet, et il y a plein de gens qui font ça, c'est facile à faire, il n'y a aucune difficulté là. Évidemment, lorsqu'on va lire, on va enregistrer des messages codés, ils sont codés avec RSA, on n'y comprend rien. Mais on peut les copier et on peut les stocker dans des disques durs. Et on peut se dire, dans 10 ans, dans 20 ans, la technologie et les mathématiques auront fait suffisamment de progrès pour que je puisse à ce moment-là les décoder. Et donc, je pourrais, ou la personne qui stocke ces informations codées aujourd'hui, pourront les décoder dans, alors mettons 20 ans. Je ne sais pas exactement quand ça va être, mais ça va arriver. Et alors, pour de nouveau, ma carte de crédit dans 20 ans, de toute façon, je m'en fiche complètement. La même chose si je vais sur Amazon, dans 20 ans, on peut mettre tout ça sur le web, je m'en fiche aussi complètement. Par contre, mon dossier médical, non, je n'ai pas envie qu'il soit sur le web dans 20 ans, et encore moins ceux de mes enfants. Donc il y a simplement des informations qui, effectivement, on aimerait garder confidentielles sur très longtemps, et c'est faux d'affirmer que RSA est une bonne réponse à cette problématique. Alors, l'idée quantique, depuis le début, on s'est bien rendu compte que la cryptographie quantique, surtout il y a 10 ans, c'était très précurseur, ça allait être difficile d'en vivre, et on n'avait pas tant l'idée d'aller chercher de l'argent chez des venture capitalistes qui allaient prendre tout le pouvoir. Donc on s'est dit, on va vendre en plus et en parallèle de la cryptographie quantique tout ce qui en fait est nécessaire pour faire de la cryptographie quantique, donc toutes les technologies que nous maîtrisons. Et alors ça implique d'une part des générateurs de nombres aléatoires. De toute façon, tout système de cryptographie, que ce soit classique ou quantique, il faut de l'aléatoire. Si tout est décidé à l'avance, évidemment il n'y a pas de secret. Donc il faut des générateurs de nombres aléatoires, ça on en vend. Depuis aussi une dizaine d'années à peu près. Il ne faut peut-être pas parler d'un nombre, il s'agit plutôt de voir ça comme une chaîne de bits, c'est un principe illimité, et une chaîne de bits donc, peut être produite avec un algorithme suffisamment complexe pour qu'on ait le sentiment que la chaîne de bits produite n'a aucune régularité, mais en fait elle en a une forcément, puisque tout ça est déterministe, tout ça dépend d'un petit algorithme et souvent d'une seed ou d'une graine initiale. Et si on connaît l'algorithme et la graine initiale, donc la séquence initiale, on peut calculer le milliard de bits qui suit, sans difficulté. Quantiquement, l'idée, c'est d'envoyer un photon sur un de ces miroirs semi-transparents, donc le photon va sortir, comme on l'a raconté tout à l'heure, des deux côtés à la fois, mais ensuite on va non pas reboucler les deux chemins, mais chacun de ces chemins va rencontrer un détecteur de photons, et au moment où ce photon qui est donc des deux côtés rencontre un détecteur, ou en l'occurrence deux détecteurs, à ce moment-là, il se décide, ou la nature décide, ou le dites comme vous voulez, mais il y a un seul des détecteurs qui va détecter un photon, puisqu'il n'y a qu'un seul photon, il n'y a pas d'énergie pour produire deux détections, il n'y en aura qu'un seul des deux. Et lequel des deux, ça c'est un hasard intrinsèque, c'est nouveau, c'est beauté de la physique quantique, il y a du vrai hasard dans la physique quantique, et donc on peut ici produire du vrai hasard. En l'occurrence, on peut faire ça de façon assez efficace. D'une part, on n'a pas besoin pour ça d'envoyer des photons sur des grandes distances, donc on ne va pas utiliser des fibres optiques, donc on ne va pas utiliser des détecteurs de photons télécom, mais des détecteurs de photons dans le visible, où c'est plus facile de détecter ces photons. On pourrait utiliser la technologie CMOS, qui est tout à fait standard et bien maîtrisée. Et finalement, on a des petits boîtiers, là, chez ID Quantique, qui font, je crois, 4 cm sur 3, donc à peine plus grand qu'une pochette d'allumettes, et qui produit 4 millions de bits aléatoires quantiques par seconde. Alors il y a deux versions, il y en a une effectivement qui est reliée à un port USB, le port USB fournissant aussi l'alimentation, donc c'est hyper simple d'utilisation. Il y a aussi une version pour des cartes PCI qu'on peut mettre dans un ordinateur. À qui ça s'adresse? Lorsqu'on a commencé, on a surtout pensé à la cryptographie, évidemment, et au calcul Monte Carlo. Donc les calculs numériques, de simulation numérique, puisqu'on sait que si on utilise des nombres pseudo-aléatoires, il y aura toujours un exemple d'un calcul Monte Carlo qui va donner des résultats faux pour n'importe quel générateur de nombres pseudo-aléatoires. Mais finalement, le marché qui s'est avéré être le plus porteur, c'est effectivement celui des jeux en ligne, des pokers et toutes sortes d'autres jeux en ligne. Et vous avez aujourd'hui effectivement pas mal de ces jeux en ligne. Si vous allez sur la page principale, vous allez voir Randomness, ID Quantique ou des choses comme ça. Donc le principe, c'est vraiment de se dire on va vendre l'aspect quantique comme garant que les cartes sont bien tirées au hasard. Aussi, depuis le début, il faut des détecteurs de photons et pas n'importe quel photon, ce qu'on appelle des photons télécoms, donc les photons à la longueur d'onde compatibles avec les fibres optiques télécoms. Donc ça, on était aussi les tout premiers à commercialiser des détecteurs de photons télécoms. Et puis depuis un peu plus récemment, on commercialise aussi des systèmes d'encryption, donc même des systèmes RSA, dont je viens de dire du mal. Mais il y a aussi des applications pour ça, évidemment. Et c'est aussi quelque chose dont nous avons besoin, de toute façon, d'encrypteurs, décrypteurs pour faire de la cryptographie quantique, puisque la cryptographie quantique, plus exactement, c'est que la distribution de clés quantiques. Ensuite, il faut utiliser ces clés pour faire de l'encryption. Et donc ça aussi, c'est commercialisé. Alors, l'entreprise ID Quantique est tout à fait autonome. Je suis membre fondateur, on était quatre à avoir fondé cette entreprise il y a 10 ans. Moi, comme vous l'avez mentionné, je suis à l'université, professeur ici au groupe de physique appliquée. Et l'université, donc le rectorat et cette entreprise ont un contrat qui régule un peu notre mode de collaboration. Ce contrat, il dit essentiellement deux choses. Il dit que si nous, à l'université, on développe quelque chose qui est dans le domaine d'idées quantiques, dans le domaine des communications quantiques, alors idées quantiques aura un droit de premier refus. Et réciproquement, si idées quantiques a besoin de donner, de chercher un partenaire académique pour un certain développement, nous, à l'université, avons le premier droit de refus. Par ça, je dirais que les contacts sont un peu plus étroits que ça, parce qu'ils sont évidemment aussi personnels. Je suis toujours au conseil d'administration d'Idées Quantiques, et puis évidemment, je connais plusieurs personnes chez Idées Quantiques. Il y a, je crois, 3 de mes anciens étudiants qui sont employés là-bas, sur 20aine de personnes. Et on a donc des rencontres assez fréquentes. Ils sont d'ailleurs à 1 kilomètre à vol d'oiseau d'ici, peut-être même pas, un petit kilomètre à vol d'oiseau d'ici. Et même si évidemment leurs objectifs sont assez différents des nôtres, c'est plus du court terme, c'est évidemment une société à but lucratif, faut pas non plus le cacher, alors que nous à l'université, on est là pour la recherche, donc du moyen au long terme. Et notre but, c'est aussi de former des jeunes et de faire progresser la science.